cours numéro 1. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ معكم في قراءة هذه الرسالة المفيدة. On commence à lecture de cette risale, الزواج, أي أحكام الزواج, des règles concernant le mariage, للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. Ce sujet, كما لا يخفى, il est très très important. لأن la plupart on est concerné par ce sujet. أو ربما بعض الإخوة ils ont l'intention, ils ont comme projet de se marier. فكونتخ هذه الأحكام سمهم. الزواج سو النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وله أحكام des règles, des choses à éviter, des choses à faire, des choses obligatoires, des choses recommandées. فلهذا يجب على الجميع de donner du temps pour apprendre son dîn, que ça sera lié au mariage ou l'éducation des enfants ou أهم وأعظم من ذلك ما يتعلق به المعتقد والتوحيد, connaître son dîn, connaître sa croyance, connaître حق الله سبحانه وتعالى وهو التوحيد. Chacun de nous doit faire des efforts. أما ne penser qu'à الدنيا, faire des efforts que في الدنيا. فربما الإنسان يتزوج, il se marie et se couple, ils ont comme fondement que le dunya. Enfin, si ils ont cheminé le dunya, alors Obama et patienteront sur certaines choses. Si ils sont éprouvés par rapport à l'argent, ou une maladie, ou une épreuve, enfin, peut-être qu'ils ne patienteront pas. Les malades, les anna, ce couple, il n'est pas fondé sur ridallah subhanahu wa ta'ala. Et le but, c'est pas rid Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'dhum, ils se marient pour des autres causes. Ils ont d'autres objectifs. Hada la yanbaghi. Le mu'min, il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a qaddar pour toi hadhihi ni'ma. Wa min ash-shukr, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre sujet, de respecter certaines règles liées au mariage. Enfin, le mari, il ne fait pas ce qu'il veut. La femme, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Chacun, il a des huquq, des droits. Chacun, il a des devoirs. Wallah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbul Jami', il a haqq ala al Jami'. Lire ce genre de rasa'il, c'est muhim. Wal ulama, fi kutub al fiqh, da'iman il cite un chapitre kitab النكاح إيه السد أحاديث في هذا قصص وضع بلغ المرام قصص وضع عمدة الأحكام قبل ذلك صحيح البخاري صحيح مسلم السنن السد دائما كتاب النكاح. لماذا؟ لأن c'est un point très très important. فالزواج c'est من سنة الأنبياء والمرسلين. الأنبياء ils se marient. الزواج si il est fait dans les règles, ou l'insan, son but, c'est rid Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ta'a. Inch'Allah, ce mariage, il y aura beaucoup de fruits pour l'homme et pour la femme. Si ce mariage, il est fondé, comme on a sur le dunya, sur le jahl, sur les passions, chacun, il va avoir le dessus. Cette ni'ma, au départ, c'était une ni'ma, elle se transforme, iyadam billah, en niqma. Ça devient du char, ça devient une épreuve. Ça devient très très difficile. Al-Hada, Al-Aqil, il fait des efforts pour préserver cette ni'ma. Il fait des efforts pour apprendre hadhihi al-ahkam. Khasatan mitla hadha al-kitab. Vous allez voir des fusul, des chapitres très très simples. Il cite, rahmatullah alayhi, des définitions simples. Il cite un verset, un hadith. Il cite des fawa'id tayyibah. فلهذا أنا choisi de le lire. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. المقدمة on va pas la lire, il a fait quelques conseils. Man yurid an yastafid, qu'il la lise. Amma nahnu, inshallah, on passe directement ensemble au premier chapitre. Là, on lit la fin. Qala, la fin de la muqaddima, page numéro 10, as-safhatu al-ashira. قال لقد كان موضوع محاضرتي هذه عقد النكاح وآثاره وما يترتب عليه وغير ذلك من بعض ما يتعلق به تستفيد أن هذا c'était à la base une muhadara, une conférence que Cheikh Ibn Uthaymeen il a donnée dans un masjid, et elle a été retranscrite sur papier ورتبوها, et alhamdulillah elle est sortie sous forme de livre. قال واخترت هذا الموضوع لأهميته وجهل كثير من الناس بكثير من أحكام. C'est ce qu'on citait auparavant ensemble. أن كثير من الناس ils ignorent des مسائل. Alors qu'ils se marient, peut-être que c'est lui le mari, ou cette femme, peut-être qu'elle a besoin de certaines choses, peut-être qu'elle a des حقوق qu'elle ignore, peut-être qu'elle est injuste dans certaines choses envers son mari. لماذا لأنها l'ignore وهكذا الزوج. Alors que le haqiqa, donner un peu de temps, khasatan au départ, belle, avant de se marier. Il y en a, tu as deux cas, le haqiqa. Les musulmans, ils se sont mariés et ils étaient ignorants, ils ne savaient pas. Et Rubama, ils ont fait des mukhalafat, Rubama, ils ont manqué certaines choses, Rubama, ils n'ont pas fait certaines choses qui étaient obligatoires, et là, ils font des efforts, ils apprennent, et il y a tout bon, s'il faut faire tawba de certaines choses, et ils rattrapent le temps perdu et ils font des efforts. Et tu as un autre cas, mais ikhwan, là, ils ne sont pas encore mariés. Hadaf al-Hariqa, c'est tayyib pour eux, ce genre de livre. Et avant de se marier, ils étudient, hatta, ils savent c'est quoi, Zawaj. Comme Minan Nisa, elles se sont mariées, fait al-Hariqa, elles ne connaissaient pas c'est quoi, Zawaj. Fa'idha staqam al-Rajul, quand le mari, il commence à s'accrocher à la sunna, il commence à apprendre, Farubama, elle n'est pas prête. Rien à l'ex, la femme elle s'accroche à la sunna et le mari il suit pas. Thumma, la femme elle a certains droits où elle demande à son mari d'accomplir certains devoirs, certaines obligations, et il n'arrive pas. Amma, avant le mariage, on étudie, pour ceux qui ne sont pas mariés, ils étudient ce genre de risala. Thumma, ils choisissent leur future épouse, ou pour la femme, son futur époux, en se basant sur ses preuves. Hatta ce mariage, ça soit un mariage sa'id, fihi baraka, limadha li'annahu, il est fondé sur sunna. Qala, wa lima yattasil bihi min al-mushkilat al-ijtima'iyya allati yatamanna kullu mukhlisin wa nasihin li dinihi wa ummatihi an yassir halluha. Fa inna al-mushkilat kullama turiqat wa ulqiyat الأضواء عليها تيسر حلها وإذا تناساها الناس وأغمضوا عيونهم عنها بقيت كما هي أو ازدادت غموضا وإشكالا. نعم, il démontre أن dans les couples il y a beaucoup de problèmes, et ça arrive à cause de l'ignorance, à cause des passions, à cause du manque de patience, إلى آخره. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين أن العاقل Al-Muwaffaq, il fait tout pour régler. C'est pour ça qu'il a cité et ça c'est très très important, pour régler les choses, il faut en parler. Et il faut parler bi-ilm, pas parler bi-hawa. Il en a parlé, tout le monde, fil-haqiqa, peut parler là. Là, quand il y a un problème, il faut essayer de le régler bi-ilm. Amma, fuir, se taire, ne pas prendre ses responsabilités, ne pas accepter la vérité, fait comme aqal, cher, ça fait que ajouter des problèmes, et iyadam billah, ça peut aller très loin, hatta ce couple il se sépare. قال وقد عقدت لهذا الموضوع 10 فصول. Il a cité 10 chapitres dans cette risala qu'on lira ensemble باذن الله عز وجل. قال الاول في معنى النكاح لغه وشرعا. Le premier, il va expliquer le sens du nikah, et le mariage, il va donner une définition. ثم il va citer في الفصل الثاني الحكم, est-ce que c'est obligatoire de se marier amla. Al-fasl al-thani fi shurut an-nikah, pour que hadha an-nikah, huna al-murad, ça sera 'aqd az-zawaj, pour que ce contrat de mariage soit validé, la bud min shurut, des conditions. il va les citer, rahmatullah alayh, ou il les a cités. Al-Faslu al-Rabi' fi awsaf al-mar'ati allati yanbaghi nikahuha. Quatrième fasl, les caractéristiques de la femme qu'il faut épouser. Et hada, c'est important. Et hada, ça concernera ceux qui ne sont pas encore mariés. Et ceux qui sont mariés, al-mar'a, elle fait des efforts fi hadhihi as-sifat, et pour les avoir, pour se perfectionner, pour s'améliorer. الفصل الخامس في المحرمات في النكاح وهذا سان شابتر طيب et important et on l'a déjà traité dans une kalima المحرمات et les femmes que tu n'as pas le droit d'épouser et il va citer مثلا la tante مثلا la belle-mère مثلا la fille de ta femme وهكذا الفصل السادس في التعدد المباح في النكاح et combien de femmes l'homme il a le droit d'épouser et la polygamie il va traiter le sujet. En résumé, al-fasl as-sabi' fi al-hikma min an-nikah, les sagesses du mariage, et pour démontrer que c'est une ni'ma, il va citer plusieurs hikma. Al-fasl ath-thamin fi al-athar al-mutarattibah 'ala an-nikah wa minha al-mahr wan-nafaqa was-silah wal-mahramiyya wal-mirah. Ay, si l'insan il se marie avec une femme, ou la femme elle se marie avec un homme avec un 'aqd sahih, ça va impliquer des choses. Parmi ces choses, al-mahr, la dot, l'homme il doit donner une dot à sa femme. Al-nafaqa, c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins bi-idhnillahi azza wa jal de cette femme. Ay min al-kiswa wa ta'am ila akhire. As-sila, s'il se marie avec une femme, il aura des liens. Il aura une belle-mère, il aura un beau-père, il aura des beaux-frères ila akhire. Donc il doit respecter ses liens ila akhire. Al-mahramiyya, et kadhalik, ça on le verra, s'il se marie avec cette femme, fa ce mari, ça devient un mahram pour cette femme. Kadhalik, c'est un mahram pour sa belle-mère. Wa hakadha. Al-mirath, s'il se marie avec cette femme, elle aura un haq sur ses biens s'il meurt. Et l'héritage. Thumma al-faslu at-tasi' fi hukm at-talaq. Le neuvième chapitre, il va citer le chapitre du divorce. Et le dixième chapitre, fi ma yatarattab 'ala at-talaq. Et il va détailler tout ce que ça implique de divorcer. Et ça va impliquer des choses. قال فنقول مستعين بالله تعالى مستهلمين منه التوفيق والسداد راجين منه النفع للعباد الفصل الأول. Donc on commence la lecture du premier chapitre et il est très simple في معنى النكاح لغة وشرعا. Il a cité plutôt une définition رحمه الله du nikah. قال النكاح في اللغة يكون بمعنى عقد التزويج ويكون بمعنى وطء الزوجة. Ce mot النكاح, c'est ce mot qui est cité dans كتب الفقه. Tu trouveras pas en général le mot زواج. Tu trouveras كتاب النكاح. لماذا؟ لأن النكاح s'englobe beaucoup de choses. لغتن, et si on rentre pas dans les détails du fiqh, il va citer le تعريف شرعا. لكن لغتن بمعنى التزويج. Le fait de se marier. ويكون بمعنى وطء الزوجة كذلك يطلق لفظ النكاح للوط أي avoir des rapports avec sa femme. Ça peut être le معنى النكاح أي se marier, un contrat de mariage. كذلك قد يطلق على الوط أي les rapports, avoir des rapports avec sa femme. قال أبو علي القالي من علماء اللغة توفي رحمه الله بقرطبة أي في الأندلس en Andalousie à Cordoba en 356 de l'Hégire رحمة الله عليه. فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوط فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوط. كلام جميل. فأبو علي رحمه الله القالي il a cité une faïda pour savoir est-ce que le معنى du nikah c'est avoir un contrat de mariage avec une femme et se marier ou les rapports. فقال إذا قالوا, que ça soit une personne qui parle ou dans un livre, si tu as le mot nikah نكح فلان ou بنت فلان فالمراد قال c'est عقد التزويج. Et quand tu as نكح امرأته أو زوجته c'est الجماع. لماذا؟ لأن vous avez remarqué que dans le premier c'est pas, elle n'est pas citée en tant que sa femme. نكح فلان أو بنت فلان, peut-être qu'ils viennent de se marier. فيطلق Huna, le mariage. Amma, quand le mot nikah est lié à sa femme, on dit nakaha mra'ata ou zawjata. Huna, al-murad, c'est al-wat, ay les rapports. قال والمعنى ومعنى النكاح في الشرع تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم. نعم. Donc la définition pour conclure ça. Un nikah c'est le mariage, il y a un contrat de mariage avec une femme, se marier, imma c'est les rapports. وهذا يعرف بسياق الكلام. Quand le mot nikah est employé, dans le contexte, tu comprends est-ce que c'est ça parle du mariage ou le fait d'avoir des rapports. Hada al-khulas. Thumma, rahmatullah alayhi, il a cité ta'rif, ay ma'na nikah fi al-shar'a, qala ta'aqudun bayna rajulin wa imra'a. Ay le fait d'avoir un contrat, bien sûr avec des conditions, que Cheikh il a cité dans un chapitre qu'on verra ensemble, inshallah, ay al-shurut, les conditions. يقصد به استمتاع كل منهما. C'est ça le but. C'est que كل واحد يستمتع بالآخر في الحلال. أي الأم ولله الحمد. Et profite la femme كذلك. أي فيما رزقهم الله سبحانه وتعالى. وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم. كذلك le but c'est de fonder une famille. وسيأتي معنا في الحكم. Des حكم عظيمة. أي l'homme il se marie pour baisser le regard et sa femme inshallah ta'ala lui suffit كذلك pour s'écarter du haram كذلك pour appliquer son din ولا فهم هكذا فحكم عظيمة تأتي معنا. قال الشيخ ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع. Et نعم, c'est pas que le but d'avoir des rapports avec cette femme. لا, ça bien sûr c'est quelque chose que Allah il a rendu licite pour al-mu'minin, لكن il y a d'autres choses. قال بل يقصد به مع ذلك معنى آخر وهو تكوين الأسرة الصالحة والمجتمعات السليمة. Et نعم, لماذا؟ لأن المجتمع أي un pays, un peuple qui s'écarte du mariage يكثر فيهم الفساد والزنا والأمراض وتأمل في حال الكفار عيادا بالله. Ils ont ouvert les portes حتى للواط. حتى l'homosexualité الآن عندهم ils l'ont rendu permis. فكم من شر, كم من شر, combien de gens عياذا بالله ضاعوا وذاقوا ضاقت صدورهم وبعضهم أصيبوا بأمراض, ils ont été touchés avec des maladies إلى آخره. لماذا؟ لأنهم ils se sont écartés de هذه السنة, سنة الأنبياء والمرسلين, الزواج. قال لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص. Ça dépend de l'insan. كل par rapport à sa niya. على كل حال, من مقاصد الزواج c'est de se préserver, c'est de fonder une famille, c'est de pouvoir profiter في الحلال أي من هذه النعمة العظيمة. لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى إلا كقي به شهوة كساسوا لهم ملفم. وتعلمون أن ندخل الدين نزا أنتغدي الرهبانية كم يزون في النصارى, أي يتقربون أو يزعمون أنهم يتقربون إلى الله دي لسان المغيار كم يفون لهم بخيطخ إلى آخر, وهذا سحرام في ديننا. نعم, كما سيأتي معنا الحديث إن يتزوج النزا ومن رغب عن سنتي فليس مني. Et ça nous montre un min a'zam al-maqasid. Et هذا, ça, c'est très très utile pour celui qui veut se marier, annahu il se marie pour le din. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البلوغ المرام, الإنسان متى تزوج المرأة لغرض مقصود شرعا فإنه جائز. Et parmi ces maqasid, il les a cités هنا dans cette risale. Tant que tu te maries pour ces maqasid, fonder une famille, te préserver, il a akhir, falhamdulillah, c'est mashru', c'est tayyib. Qala walakin ahsan man yakun ma yakun an yatazawwajaha lid-din. Et ça, ça doit être notre niya à tous. Aïe, ce mariage, c'est pour t'aider fidinik. C'est pas que pour dunya. Même cette famille que tu veux fonder, ta niya, ça doit être pour dinullah subhanahu wa ta'ala. Ses enfants, ta niya, ça doit être des enfants, inshallah, ya'budun Allah, muwahidun, min ahli sunnah, yati'un al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, Ça doit être ça notre niya. On doit faire attention à dunya comme minannas à notre époque. Ils se marient et en fait ils n'ont plus cette niya. Pourtant c'est des musulmans. Lakin leur but c'est de fonder une famille et hakada que les enfants ils ont un avenir fi dunya ila akhira, ils pensent qu'à ça. Wa hada al haqiqa c'est un naqs kabir. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuq man yasha. Ces enfants que tu espères avoir, c'est une ni'ma kadhalik min ni'amillahi azza wa jal, et ton intention ça doit être awwalan ad-din. Kam min an-nas ils se sont mariés tellement qu'ils ont espéré certaines choses min umur ad-dunya, thumma ces choses elles sont pas arrivées, ils ont été déçus et robama ça a fait beaucoup de problèmes dans leur couple. Prends l'exemple de l'argent. Kam min an-nas tazawwaju, robama ils se sont mariés لأن cette femme elle avait un certain statut, ou la femme elle a accepté de se marier avec cet homme لأنه il avait tel travail et ils étaient à l'aise. ثم ابتلوا, ثم ils sont éprouvés بفقر أو بشيء آخر المهم نقص في الأموال, et ils patientent pas. ثم ça commence les problèmes. Alors que ceux qui se marient leur nient à cette din, et inshallah ils seront heureux s'ils ont de l'argent. Et s'ils n'ont pas d'argent, ils sont heureux. Les mâles, les annahum, ils se sont unis par cette ibad azim, un nikah, un zawaj, avec cet acte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme min annas, leur but c'était que d'avoir des enfants, mathalan. Ils pensent à ça, hatta rubama ba'dhum, ils exagèrent. Et peut-être qu'il est éprouvé, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Et sa femme kadhalik, et au final ils n'ont pas d'enfants, et ça leur fait beaucoup de mal. حتى ربما ils se séparent. لماذا لأن ça revient à l'intention. إنما الأعمال بالنيات. ففي الزواج l'intention c'est très très important. لهذا notre but. نحن on se marie, cette femme ça doit être عون لك تتعاون معك في العلم. Dès que tu as des faiblesses elle te conseille. Dès que tu es fatigué ou tu manques de motivation, elle t'encourage. Wa anta kadhalik khassatan fil ilm. Et ne pas penser qu'à dunya. Wa ba'dhum madana ils se marient et khassatan au départ tout est fondé sur dunya. Faut qu'ils sortent, il faut qu'ils voyagent, il faut thumma quand ils ont des enfants, c'est que dunya. Faut des projets, il faut kadha. Hatta une petite épreuve ربما تفرقهم وتمزقهم. لماذا لأن ils sont pas prêts. Et ta'lamun anna الإنسان dans cette dunya il est éprouvé et il sera éprouvé. فلنتق الله جميعا. Et parmi les choses qui vont nous aider à patienter, pour ceux qui ne sont pas mariés, à choisir une femme, ou pour la femme à accepter un homme qui lui convient, من الأمور المهمة, c'est d'apprendre les règles, d'étudier sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce point. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré comment choisir la femme. Ça y a-t-il ma'ana un chapitre. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré des choses qui font beaucoup de mal dans les couples. Et inshallah, on verra certaines choses. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré c'est quoi qui facilite ou qui met de la baraka dans le couple, dans les enfants. Et inshallah, des choses à venir dans cette risale. هكذا أما السلوي يقلد أعداء الله من الكفار ومن المنافقين من المجرمين لأنهم حتى هم السماغي لكن est-ce que leur قصد c'est التقرب إلى الله أبدا وبعضهم والله السماغي c'est que pour le mal. فلهذا quand cette femme مسكينة la plus d'argent ربما إلا délaisse ولا يبالي بها يحيانا العكس la femme السماغي cet homme فقط لأنه إلى une situation. Quand il n'a plus de situation, le miskin, فَتَرْجُمْ بِهِ بِلَا رَحْمَةِ فَأَرْحَمْ الرِّجَالِ وَأَرْحَمْ النِّسَاءِ. Et pour l'autre, pour son conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, أَرْحَمُهُمْ c'est le mu'minun. لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ يَسْوِيْفُ نَبِيُ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et tu trouveras أَشَدُّ النَّاسِ قَسْوَةً وَحِقْدًا c'est الْكَفَرَ وَالْمُنَافِقِينَ. Ce point il est applicable fi zawaj wa fi jami' al masail. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadad. ذهب الوقت. هذا الدرس était عبارة عن مقدمة. On a lu la fin de la muqaddima et on a lu le premier fasl fi ma'na an-nikah. Et le prochain dars à partir de jeudi inshallah, enfin on commencera la lecture des fasl suivants. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.